です。そちんだ。 おぼんじゅう、うどんたったせんと、あらばたったふえ。Maman, papa, frère, cousin, cousine. Tout est tout comme ça, nous sommes à le faire. Son mari a civil, on te réveille, bah oui. Yé, yé. Ma petite est grand, mon nom. Oui. Mes femmes, ça va le marier. Son femme qui comprend 14 à 15 ans, depuis qu'on est dans ses soeurs, quand même, maman. Pour si on même pire le courage, quand des coquera, qui a fait ça. Bec fait. Mais c'est fou malhonnête, yé yé. La petite est dans mon âme. Oui. Bon. Mesdames, rap danser là-haut. Ni ça campé, ni ça chita, ni ça rap danser. Ou pas ça dit, ou pas de connaître, j'ai non n'a vini chercher ou. Ou mène, on vient danser ses lèvres. Ou pas qu'à connaître. C'est pas l'arrivée là, non, bah là, la parle avec vous. Ou a vint chanter une série de bottes, une série de bagailles, de hall, pour pas comprendre. Bien entendu, si bah là ton petit Jean, de hall, bagaille, choy, pic, now, ou te fait pour expliquer ça, alors lui-même, il t'a quitté ça. Bon. Monsieur jeune garçon, yo, ni sa campé, ni sa cap danser, ni sa chita, pour aller bas nos conseils. N'a toujours pris un gomme ça. Avant de mettre nos filles en balle, ou à chercher la calme pour mettre en balle, c'est question de fête et fourni. Fête et fourni. Sans gratter tête. Ou qu'on côté pour mettre les filles d'abord avant de mettre en balle la veille. Parce que si vous avez mal, rentrez en balle avec les ça. Ou elle commande des boissons, ou commande des manger, ou danser, ou pas d'enfant. Ou elle donne même encore. Parce que souvent, tu as acheté manger, danser, ouais. L'autre dit chéri, on fait une sortie, non. Il n'y a pas l'autre question après pour nous. Qui s'en comprend la vie? Oh oui, chéri, je me sens fatigué. Donc à la prochaine, vous êtes de côté de la guerre. Vous êtes de côté de la guerre. Les femmes, c'est bête qui dit. C'est même quand on dit chéri, on fait des sorties. Il dit oui, c'est même quand on fout chavirel. Parce que ceux qui te réfléchissent, ou pas dans la femme encore. Par exemple, entre l'ambi, vous m'en déclé ou vous pas femme dans les bras, vous sortez dans la barrière, vous avez marché. Vous arrivez sur là, vous faites colonne à droite, vous marchez, vous marchez, vous marchez. Vous arrivez dans l'autre barrière, vous faites colonne à droite encore. Vous arrivez en dedans, vous faites colonne à gauche, avec les portes la vie en face. Vous allez clé ou vous mettez la dedans là où ouvrez porte là là où vous poussez là-dedans là où vous entendez ya bâton dans la classe bâton dans la classe bâton regardez non bah là tellement bon pour moi j'ai encore le relais il est suave suave vous êtes bon à son d'abord 10 aïe aïe aïe. C'est alors vous entrez dans un club là avec l'équilé, vous achetez boisson, vous achetez manger et vous tombez de ça. Et puis vous dansez, ça qui arrive. Ça que la fille a dit, monsieur, chérie, prends-le bagaille là, vous fâchez, non? Monsieur dit, foutre, dis-moi, soit bien, pour foutre dans des ou. Monsieur commence à énerver. Hein? Oh oui, chérie, prends ma danse avec vous là. Dans mon contingent, 99. Plus 1. 99 plus 1, ça donne combien? Ça donne 100. Parce que nous, on a qu'à l'école. 99 plus 1, ça donne rouge. Et puis, monsieur Vex, c'est bien difficile. Ça comprend. Moi, il faut prendre intéressant pour petit carotte. Charge avec Zepina la donne. Un petit carotte charge avec Zepina. Ça de compte faire pour lui comme ça. Qui ça de compte faire pour lui comme ça? Fais expérience. Fais expérience. Baba de l'eau matin. Baba de l'eau à midi. Baba de l'eau à souhait. Ou est-ce qu'il va foutre gâter dans la main? Regardez comment vous faites comme ça. Vous avez de 3 fois par jour. 3 fois par jour. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Balti de l'eau. Bon, si c'est vraiment foutre, c'est monté. Vous mettez de toute prière par une bonne Dieu. Mais prière par une foutre, il quand même. Qui que ça soit comment. Qui que ça soit comment. Que la police bondit, donnez-moi votre affaire. Ça n'est pas ma affaire, ça n'est pas ma affaire, ça n'est pas pour toute affaire, ça n'est pas ma affaire, ça n'est pas ma affaire, ça n'est pas avec la foi, ça n'est pas l'espérance, ça n'est pas sans la charité, ça n'est pas ma affaire.